Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. 9 cas d'arrestation de Burundais ont été rapportés en Afrique du Sud depuis le mois de mai cette année. Annonce de l'ambassade du Burundi dans ce pays qui précise que le motif est essentiellement lié au cas de Burundais sans papier. Le président de la République du Burundi indique qu'au moins 3 fraudeurs sont attrapés par jour, des fois avec complicité de certains agents de l'Office burundais des recettes OBR. Il a dit mercredi en province Muramvya, il présentait à la population le nouveau gouverneur de cette province. Et puis la rentrée académique pour les 2 promotions des éditions 2022-2023 est fixée au 6 novembre cette année, comme le montre un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de ce vendredi, indiquant la note minimale requise par section. Voilà pour le sommaire. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation pour débuter cette édition. La rentrée académique pour les 2 promotions des éditions 2022 et 2023 est fixée au 6 novembre cette année. Cela ressort d'un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de ce vendredi qui montre la note minimale requise par section pour être orienté à l'Université du Burundi ou à l'École normale supérieure NES. Ainsi, pour la section OFR, les lauréats de 2022 doivent avoir 79%, tandis que ceux de 2023 devront avoir eu 65%. Il est exigé une note de 63% pour la section maths physique édition 2022 et 59% pour 2023, tandis que dans la section langue, les lauréats de 2022 doivent avoir 59% et 54% en 2023, d'après ce communiqué. Les listes des candidats retenus à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure NES seront affichées dans différents campus depuis ce lundi et pourront être retrouvées sur les sites web de ces institutions. Politique à présent, au moins 3 fraudeurs sont attrapés par jour, y compris certains agents de l'Office burundais des recettes OBR. Le président de la République du Burundi l'a annoncé mercredi en province Muramvya. Il présentait à la population le nouveau gouverneur de cette province. Évariste Ndayishimiye met en garde tout fraudeur que les auteurs et complices doivent être sanctionnés conformément à la loi. Il est traduit en français par Médard Nyonguru. Nous sommes dans la campagne de lutter contre la fraude. Ça me fait honte. Imagine, dans un mois, plus de 50 cas de fraude ont été portés devant la justice. Et comme ça, ces gens se sentaient supérieurs par rapport aux autres en disant qu'ils ont été bénis alors qu'ils sont des voleurs. La fraude prend une grande ampleur dans notre pays. Beaucoup de gens s'enrichissent en dilapidant le trésor public. Nous avons découvert les stratégies utilisées par ces derniers pour faire la fraude. Il y a ceux qui achètent la conscience de certaines autorités collectrices de taxes et impôts. Je me suis engagé dans le combat de lutter contre ce mauvais comportement. Les voleurs sont devenus nombreux. Des jours ne peuvent pas passer sans attraper au moins des fraudeurs depuis que j'ai commencé cette campagne. Est-ce que vous voulez que toutes les prisons grouillent seulement les voleurs du trésor public? Ces gens pourraient contribuer dans le processus de développement durable du pays. Mais ça sera dommage lorsque les prisons seront pleines des voleurs des biens publics. Le code pénal stipule que les malversations du trésor public doivent être punies conformément à la loi. Ceux qui ne sont pas encore attrapés, qu'ils rompent avec ce comportement de fraudeur. Les commerçants collaborent plus souvent avec les agents de l'Office burundais des recettes. Ces derniers promettent de les défendre une fois les marchandises saisies. C'est ce qui se passe. Tu importes tout un camion, tu déclares tout le contenu et cet agent de l'OBR te dit de continuer. Une fois qu'on t'arrête, il viendra à ton secours avec une quittance pour dire que j'ai déjà vu ces marchandises et si on ne t'attrape pas, tu peux continuer ta route. Ce sont ces gens qui font perdre le pays. Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. 9 cas d'arrestation de Burundi ont été rapportés en Afrique du Sud depuis le mois de mai cette année. Annonce de l'ambassade du Burundi dans ce pays indique que les motifs sont essentiellement liés à la volonté de ce pays d'expulser des étrangers irréguliers. Dans un communiqué sorti le 24 octobre, ambassadeur Alexis Bukuru appelle les Burundais de prendre conscience que ce n'est pas facile de vivre dans un pays sans papier, mais plaidant pour la libération de ceux déjà incarcérés. Suivez. Le nombre de cas qui nous sont officiellement connus jusqu'à présent est de 9. Mais pour nous, il s'agit d'une sonnette d'alerte car nous n'avions pas connu de telles situations auparavant. Et plus encore, il y en a d'autres cas qui ne nous sont pas connus. Pourquoi ces Burundais qui sont en Afrique du Sud continuent d'être emprisonnés? La raison profonde est la politique de l'Afrique du Sud qui veut que des étrangers résidant en Afrique du Sud illégalement rentrent dans leur pays natal. Sinon, ils sont accusés de séjour illégal, donc de sans-papiers. Avec cette situation, quelle est votre action quand vous entendez que des Burundais sont incarcérés? Notre action principale est de nous enquérir de la situation et de plaider pour la libération de nos frères. Deux cas de Burundais détenus à Benoni, à Johannesburg, et un autre cas détenu dans les enceintes de l'aéroport Ortambo ont été libérés. Et votre appel à l'endroit des Burundais vivant en Afrique du Sud ou d'autres qui voudraient se rendre en Afrique du Sud? Pour ceux qui habitent déjà en Afrique du Sud, et comme eux-mêmes le savent bien et plus que moi, les étrangers sans papier sont très menacés. Même ceux qui possèdent des laissez-passer authentiques pour rentrer au pays natal, ils sont arrêtés et détenus. Les officiers qui gèrent ces dossiers m'ont confié qu'il n'y a plus de tolérance à ce que le nombre de telles personnes dépasse leur management. Les coupables alors devront comparaître devant la loi. Alors pour ces Burundais, nos frères qui sont ici, je leur demande de prendre conscience de ce qui leur arrive et de se comporter en conséquence. Quant aux Burundais qui planifient de rejoindre l'Afrique du Sud sans visa d'entrée, qu'ils sachent qu'il s'agit d'une aventure mortelle. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons avec cette édition. Les députés plaident pour une étude approfondie pour s'assurer que les installations des sociétés de communication dont les pylônes n'ont pas d'impact sur la santé et l'environnement. Lors de l'analyse du projet de loi portant code des communications électroniques et postales jeudi, ces élus du peuple s'inquiètent des distances séparant ces appareils et les habitations. Pour ça, le ministre de la Communication rassure que les études environnementales liées à ces installations sont déjà projetées. Les détails avec Placide Niyomungel. Certains de ces députés regrettent que les sociétés de télécommunications promettent avant d'installer leurs pylônes et d'autres accessoires de suivre à la lettre les clauses des études environnementales. Le député Simo Bizimungu demande à cet effet au ministère ayant les TIC dans ses attributions de prouver le contraire par la conduite d'une étude environnementale pour s'assurer que les populations riveraines de ces appareils ne peuvent pas subir des répercussions sur la santé ou l'environnement. Pour le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Sindabirabe, les impacts dus à l'installation de ces antennes sont incontournables sur la santé des populations et surtout les enfants, vu que certains de ces habitants se trouvent dans les champs électromagnétiques de ces antennes. Entre-temps, Le député Anisenda Izeye, lui, s'inquiète de l'impact environnemental des poteaux de fil conducteur de la société Limitel qui tiennent debout le temps de la rosée et s'interroge également s'il n'existe pas d'autres mécanismes préservant la nature pour remplacer ces modes d'installation des fils. À cela, le ministre de la Communication et des TIC, sans passer par quatre chemins, affirme que ces études environnementales liées au fonctionnement de ces équipements de relais sont importantes et révèle que ces études sont déjà prévues par son ministère. Néanmoins, la ministre Réokadine Dachaïsaba rassure que l'implantation de ces antennes obéit à certaines conditions visant la détermination des distances séparant ces antennes et les hauteurs. Placide Niamongere, en province Ngozi, le planning familial pourrait contribuer dans le développement des ménages, des femmes rurales, propos d'Alain Patrick Mouheto, chef de cabinet du gouverneur de cette province Ngozi, ce vendredi en commune Gachikano, lors de la célébration de la journée internationale dédiée à la femme rurale au niveau provincial. Ce dernier invite les personnes nantis, surtout les femmes, à donner une chèvre aux femmes rurales vulnérables, car selon le oui, il a été prouvé que le petit bétail pourrait contribuer au développement de ces dernières, Apollinaire Muzagara. Dans le discours de circonstance, le chef de cabinet du gouverneur a indiqué qu'une femme qui met au monde plusieurs enfants est toujours maladive et par conséquent ne s'attelle pas convenablement aux travaux d'autodéveloppement. Alain Patrick Mouheto invite donc les femmes rurales au planning familial en vue de prendre le devant dans la lutte contre la pauvreté et la famine, comme le stipule le thème de cette année. Cette autorité l'a annoncé en commune Gachikanoa, l'une des communes de la province Ngozi à forte densité, environ 560 habitants par kilomètre carré actuel. Le chef de cabinet les invite donc à travailler assidûment, étant surtout dans des coopératives, en interpellant aussi l'appui de leurs conjoints, afin de ne pas laisser aucune femme rurale dans le sous-développement. Alain Patrick Mouheto invite les hommes et femmes ayant des moyens à donner ne fût-ce qu'une chèvre aux femmes rurales dépourvues de moyens. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Kitongozi, rendons-nous en province Kayanza, la population burundaise est appelée à améliorer davantage le rendement des produits locaux et d'implanter des industries de transformation de ces mêmes produits pour que l'adhésion du Burundi de la zone d'échange libre continentale africaine soit une occasion pour arriver à un Burundi prospère. Propos de Manila Kiza Aimable, directeur de l'organisation qui contribue à l'amélioration des climats, du climat des affaires au Burundi. Il a dit ce vendredi au chef-lieu de la province Kayanza, c'était à l'occasion d'un atelier d'information sur l'entrée du Burundi dans son vaste marché commun, Patrick Sengiumva. Cet atelier d'information et de sensibilisation dans le cadre de la virgalisation de l'adhésion du Burundi à la zone de libre-échange continentale africaine de ce vendredi a vu la participation des administratifs à Kayanza, les acteurs clés au niveau de la facilitation des échanges commerciaux en cette province, ainsi que les agents de l'Office burundais des recettes. Aimable Manila Kiza, directeur du service chargé de l'amélioration du climat des affaires au Burundi, a indiqué que l'entrée du Burundi à ce vaste marché est d'une importance capitale pour le développement du pays. Cette autorité a parlé de la croissance économique par exemple, et de la réduction du chômage, surtout d'appeler lui, avec l'implantation de beaucoup d'industries de transformation. Manila Kiza Aimable n'a pas oublié aussi à signaler que l'entrée du Burundi à la zone de libre-échange continentale africaine va permettre également la diversification des produits au marché, l'augmentation des investisseurs locaux et étrangers qui envahiront ce grand marché africain. Il demande à cet effet à la population burundaise d'améliorer le rendement de différents produits qui regorgent le Burundi quantitativement et qualitativement. Et au chargé de la mise en place des cadres légaux et régis le libre-échange des biens et personnes, l'harmonisation des lois et mesures qui facilitent cette activité. Pourtant, les commerçants à Kayanza déplorent la mauvaise organisation de la circulation des marchandises au Burundi et indiquent aussi que le commerce transfrontalier a beaucoup régressé. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la Radio Sangani. Merci Patrick Nsengi, on va essayer par ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Tout de suite, revue de la presse. Alain Désiré, Boukeneza. Revue de la presse. bureau, boulot, écrit le journal Iwachu à une de ses apparitions cette semaine avec un sous-titre explicatif. Le fonctionnaire de l'État, selon le très honorable Ndabirabe. En effet, détails se confrirent en pages intérieures lors de la présentation du rapport de performance et d'exécution budgétaire pour le deuxième trimestre, exercice 2022-2023, devant les élus du peuple à l'hémicycle de Kigobe par le ministre des Finances. Mercredi 25 octobre 2023, le président de l'Assemblée nationale, Gélas Daniel Ndabirabe, n'a pas hésité à fustigé certains fonctionnaires en surpoids, assis à ne rien faire, à part manger de grosses omelettes. Ils ont de gros ventres parce qu'ils ne foutent rien. Ils passent leur temps à manger et boire dans leur bureau et c'est pourquoi il faut les secouer et pourquoi pas ne pas les soumettre à une séance de bastonnade. Une suggestion rappelant la vie impitoyable au maquis souvent évoquée par le président de l'Assemblée nationale, cet hebdomadaire qui n'a pas manqué de recueillir une série de réactions du côté des hommes politiques et qu'il résume ainsi « Avant tout, dépolitiser l'administration publique, un homme qu'il faut à la place qu'il faut, le problème ?» C'est le népotisme. Enfin, comme ces gens cités par Gélas Ndabirabe sont des cadres de l'État, ce sont leurs cadres puisqu'issus majoritairement du parti au pouvoir. C'est donc une autocritique. Du flou dans le déblocage des annales, c'est la une du journal Burundi Echo qui souligne qu'un point de discorde rallonge l'attente des fonctionnaires. Son confrère souligne que les fonctionnaires revendiquent que la commission nationale qui gère le déblocage des annales a donné un autre canevas contraire à ce que dit le décret du 1er septembre 2023. Pas d'avancement de grade, pas de prime, c'est quel genre de dégel ? S'interroge un des cadres des institutions concernées dans les colonnes de cet hebdomadaire. De son côté, Gilbert Nyawakira, président de la Confédération des syndicats du Burundi, CSB, trouve que dans cette affaire, il y a des spéculations des uns des autres. Pour lui, pour ce Burundi Echo, il ne devrait pas y avoir une confusion ou une discorde. Comme les fonctionnaires qui sont régis par le statut général des fonctionnaires ont été régularisés par les anciens textes qui les géraient, autant ça doit être pour les fonctionnaires régis par les statuts spéciaux, conseille-t-il. Ces textes dont parle Nyawakira, note son confrère, précisaient bien comment les fonctionnaires avancent en grade et à quel pourcentage sont calculées les indemnités de logement et d'autres primes. Pour ce syndicaliste, avec ce retardement, l'assiette des arriérés s'élargit et l'État se met dans un inconfort pour les acquitter, fait remarquer cet hebdomadaire socio-économique. Revue de la presse. Envahissement des cultures par des rats, alerte l'agence burundaise de presse. Cela se passe en province Cibitoke. Chacun utilise ses moyens pour piéger et tuer les rats ravageurs des cultures. Les communes les plus touchées sont surtout Mugina et Rugombo, d'après les témoignages recueillis sur place par la BP. En commune Mugina, certains agriculteurs affirment avoir utilisé du soja grillé mélangé avec de l'endocide pour réussir à tuer un bon nombre de ces destructeurs de cultures. En commune Rugombo, des agriculteurs nous ont révélé avoir diminué ces rats en utilisant des produits connus au nom de Ratox, qui est vendu sur le marché ou par des commerçants ambulants. Prolongation d'un an des sanctions à l'encontre d'un agent du service secret burundais, rapporte Net Press qui précise que l'Union européenne vient de prolonger pour une durée d'un an les sanctions prises à l'endroit d'un agent du service national de renseignement du nom de Joseph Mathias Niyonzima, connu sous le sobriquet d'Okazungu. Comme l'écrit encore ce quotidien en ligne, cet officier du service secret burundais est interdit de se rendre dans les pays de l'espace Schengen et ou d'avoir des biens, comme l'argent, par exemple, dans les banques de ces pays et ce jusqu'au 31 octobre 2024. Il est accusé d'avoir entravé une solution politique et d'avoir incité à la violence et à des actes de répression lors des manifestations qui ont débuté le 26 avril 2015. Et c'est par ici que prend fin cette revue de la presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Alain Désiré Boukeneza. À la prochaine. Revue de la presse.